mieux, tu me reconnais. Nique sa mère le commissaire, ce bâtard me fait des frais d'avocat. Ici pour prendre mon blé, pour prendre de gros apparts au troca. Nathalie elle vient du bled, la même des Comores jusqu'au Rothman. Je la France à l'hôtel, tu quittes avec Dominique Strauss-Kahn. Les têtes à tête on connaît pas, donner des blases on connaît pas, trahir la mif on connaît pas. Tu me follow mais je te connais pas. RER AP, vente de la C dans le DG. Jamais oublié le bâtiment BG. Un pied dans le bis, l'autre cimenté. Je rappe comme un Tounsi, c'est pimenté. Les têtes à tête, c'est fini, fini. C'est calage contre Uzi, Uzi. Frérot, tu traînes tes casseroles, normal que les cups te cuisinent. Cuisine, viens pas ici, on fuck. Renoir, tu vas danser sur de la funk. Si tu vois deux gars sur un T-Max, non, ce sera pas les Daft Punk. Ce sera des ratatatata. Nique ta mère, fils à papa, papa. Pompons le salon, fais d'autostop. Si le succès, papa, papa. Nique sa mère, le commissaire, ce bâtard me fait des frais d'avocat. Ici pour prendre mon blé, pour prendre de gros apparts au troca. Nathalie elle vient du bled, la même des Comores jusqu'au Rothman. Je la France à l'hôtel, tu quittes avec Dominique Strauss-Kahn. Les têtes à tête on connaît pas, donner des blases on connaît pas, trahir la mif on connaît pas. Tu me follow mais je te connais pas. J'rappe de pif au fond de ma street, tu sais pas le nombre de gens que j'abrite. Pas doute, ce soir MC t'es ma petite, tu sais toute la longueur de ma bite. Qui dit fan du bif dira je, eux j'pense que c'est des mathématiques. Rien que souris, ceux qui baissent le plus en vrai sont juste les plus sympathiques. Percé, ce n'est plus un procès, glacé, mais t'es ancien à ce que j'sais. J'encaisse tous les coups, les que c'est. Moi j'fourre tous les sons, les que j'nais. Stoppez-moi le son, j'ai un truc à dire en a cappella. J'ai tellement de faire du sale que même le MM pourra pas te faire. J'ai placé mes rodkas, j'défonce comme la vodka. J'vous prends en levrette, pour ça que j'suis penché sur vodka. J'me régale, je sauce ça, mon flow rafale comme sauce. Le rap a des nausées, putain j'ai dû le baiser sans pote. Nique sa mère le commissaire, ce bâtard me fait des frais d'avocat. Ici pour prendre mon blé, pour prendre de gros apparts au troca. Nathalie elle vient du bled, la même des Comores jusqu'au Rothman. J'baise la France à l'hôtel, tu quittes avec Dominique Strauss-Kahn. Les têtes à tête on connaît pas, donner des blases on connaît pas, trahir la mif on connaît pas. Tu me follow mais je te connais pas. Les putains de dés sont lancés gros, le game est plié. Peu importe ton horoscope, la bague soulève au bélier. Du sang et des larmes, du sang et des larmes. Du sang et des larmes, du sang et des larmes. Mes bijoux sont froids, mon torse est un mois de décembre. Une ruette, l'hémoglobine sur un billet de 500. Du sang et des larmes, du sang et des larmes. Du sang et des larmes, du sang et des larmes. Laisse-les crier, je les regarde haut. Oh oh oh. Laisse-les font pitié, on sait qui contrôle. Oh oh oh, loupe-toi. Ils vont supplier, personne n'aura notre peau. Oh oh oh, on va tout plier pour nos frères en jaune. Oh oh oh.